إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, on va commencer aujourd'hui la suite de notre cours sur l'explication de Al-Usul al-Thalatha. On a commencé, on est arrivé au cours numéro 3 aujourd'hui, on a déjà fait deux cours auparavant, et on commence maintenant l'explication du basmala. Le basmala, c'est le fait de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, les ulama, ils le résument en disant Al-Basmala. C'est comme par exemple, La hawla wa la quwwata illa billah. Les ulama, ils le résument en disant Al-Hawqala, hein? Ou bien La ilaha illallah, on dit Al-Tahlil, hein? Ou bien dire Allahu Akbar, on dit Al-Takbir. Bon, Al-Basmala, c'est de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc le cheikh, il explique ça. Il dit Qawlu al-Musannif, Rahimahullah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Al-Bad'u bil-Basmala wal-Hamdala. هذا من حسن الأدب ومن الفهم من المؤلفين للأسباب التي تكون فيها قضاء الحاجات وفي الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع أي قليل البركة فإذا قلت بسم الله أو قلت الحمد لله وشرعت في موضوع ما فَقَدْ سَلَكْتَ مَسْلَكَ الْعُلَمَا فِي الْأَدَبِ. Donc le cheikh, il commence en disant que le fait de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est-à-dire au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, quand on commence en disant ça, et quand on commence par dire par la suite Alhamdulillah, eh bien ça fait partie des bonnes manières, et ça fait partie de la compréhension des hommes qui écrivent des livres, lorsqu'ils écrivent des livres sur l'islam, et ça fait partie des causes qui vont faire en sorte que tu vas arriver à obtenir ou faire, pouvoir faire qu'est-ce que tu veux faire, comme les besoins que tu as, tu vas arriver à obtenir le résultat voulu par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne dans un hadith qu'il dit qu'il est yani authentique, un hadith rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapporté selon Ibn Hibban et Ibn Majah. Et ce hadith là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit toute chose importante qui n'est pas débutée par le fait de dire Alhamdulillah, alors c'est une chose qui sera coupée. Et le cheikh explique que ça signifie en fait qu'elle aura peu de bénédiction dedans, elle aura peu de baraka. Donc quand tu commences quelque chose, tu ne commences pas par Alhamdulillah, alors il y aura peu de baraka dans cette chose que tu fais. Donc lorsque tu commences en disant Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ou lorsque tu commences en disant Alhamdulillah, eh bien tu commences dans quelque chose, tu as suivi la bonne manière à suivre et l'exemple des ulama, l'exemple des savants de l'islam. Et également, en même temps, tu suis l'exemple du mushaf. Qu'est-ce qui est dans le mushaf al-sharif, le Coran? Puisque chaque surah, en général, excepté surah Tawbah, toutes les autres surahs sont débutées par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et également, il y a une surah dans le Coran, dans surah Na'am An-Naml, qui mentionne justement Bismillah ar-Rahman ar-Rahim dedans, quand c'est la lettre de Sulayman, quand elle a écrit à la reine de Saba. Quand il a écrit à la reine de Saba. Puis également, ça fait partie de l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui avait l'habitude, lorsqu'il écrivait des lettres et qu'il les envoyait aux différents rois et aux différents empereurs de son époque, il les envoyait en commençant par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, ça c'est l'exemple donc aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses lettres et dans ses discours. Ensuite, le cheikh il dit: عندما يريد أحد أن يؤلف تأليفا أو يكتب خطابا أو ينسج خطبة ونحو ذلك يبدأ بذكر الله ويثني بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يشرع في المقصود وعلى هذا مشى أئمة التأليف ومنهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الذي ألف هذا الكتاب لأنك إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم فالمعنى أي أبتدئ عملي هذا وتأليفي هذا متبركا باسم الإله المستحق للألوهية وحده دون سواه الموصوف بصفات الكمال والجلال ومنها صفة الرحمة العامة وصفة الرحمة الخاصة صفة الرحمة العامة التي دل عليها قوله تعالى الرحمن وصفة الرحمة الخاصة بالمؤمنين التي دل عليها قوله تعالى الرحيم. Donc le cheikh il explique que lorsque quelqu'un veut commencer par écrire un livre ou un texte ou faire un discours ou peu importe qu'est-ce qu'il a envie de faire, il doit débuter par le fait de mentionner le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis deuxièmement, il envoie le salut et la paix sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les bénédictions sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis ensuite il commence à discuter ou à parler du sujet qu'il veut traiter. Et c'est ça que les imams de l'islam, quand ils écrivent des livres, ont toujours fait à travers les époques. Et le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a suivi donc cet exemple et il a commencé donc son livre par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et quand tu commences en disant Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, peu importe dans la chose que tu fais, tu dis Bismillah avant de commencer, eh bien c'est comme si tu disais je commence cette chose que je fais, comme par exemple écrire un livre ou autre, parmi les bonnes actions que tu fais, en cherchant la bénédiction de ce nom. En cherchant la bénédiction de ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, qui est celui qui mérite l'adoration. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, ça signifie Al-Ilah, hein, c'est-à-dire Zul-Uluhiyya, celui qui possède, c'est lui en particulier, et c'est lui seul qui mérite et qui a le droit d'être adoré, en dehors de toute autre chose. Et tout ce qui est en dehors de lui ne mérite pas et n'a aucun droit à l'adoration. Et c'est également un nom, comme les ulama l'expliquent souvent dans leurs livres, que le nom Allah subhanahu wa ta'ala, il inclut tous les autres noms qu'il possède. Donc ce nom Allah subhanahu wa ta'ala, il comprend tous les autres noms qu'il possède. Et il est celui qui est décrit par les attributs de perfection et de majesté. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a les plus beaux noms et les noms les plus parfaits et qui impliquent la perfection. Et parmi ces noms de perfection, il y a les noms qui indiquent l'attribut de la miséricorde, hein, puisqu'il est Ar-Rahman et qu'il est Ar-Rahim. Et chacun de ces noms-là indique quelque chose spécifique, comme par exemple la miséricorde qui est générale et la miséricorde qui est particulière. La miséricorde qui est générale, c'est indiqué par le nom Ar-Rahman, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux pour toute la création, sans exception. Puis Ar-Rahim, c'est une miséricorde particulière qu'il réserve aux mu'minin dans le paradis, dans l'au-delà. Et donc c'est pour ça que Ar-Rahman, ça indique cet attribut de miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est général pour toutes les créatures sans exception, qu'ils soient croyants ou non-croyants, qu'ils soient bons ou mauvais, qu'ils soient des êtres humains ou des animaux ou des choses, peu importe. Cette miséricorde, elle enveloppe toute la création. Puis Ar-Rahim, c'est dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala a fait preuve de miséricorde envers les croyants en particulier. Et cette miséricorde qu'il va faire envers les croyants, ou en particulier, c'est dans l'au-delà qu'on va la voir se manifester le plus. Ensuite, le Cheikh, il explique le deuxième point, après avoir mentionné Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, si vous avez le livre avec vous, il dit I'lam. Hein? Donc, dans la traduction, si quelqu'un veut l'utiliser pour poursuivre, il dit I'lam, rahimakallah. Ça signifie quoi? Ça signifie sache. C'est comme si le cheikh il utilise cette formule-là pour yani, montrer l'importance du fait de savoir et de prendre l'attention de l'auditoire ou de la personne à qui il s'adresse. Donc le cheikh il explique ça, il dit ثُمَّ شَرَعَ الْمُؤَلِّفُ فِي الْمَقْصُودِ وَافْتَتَحَهُ بِصِيغَةِ الْأَمْرِ اعْلَمْ لِلدِّلَالَةِ عَلَى التَّنْبِيهِ وَطَلَبُ الْاِسْتِعْدَادِ لِمَا سَيُلْقَى عَلَى السَّامِعِ وَالْقَارِئِ بعد كلمة اعلم لأنه لا يستوعب الكلام ويستوعب ما يلقى وما يقال إلا إذا انتبه واستيقظ وجمع أمره وألقى السمع فإنه يستوعب ما يقال من التوجيه وتفصيل الأحكام وبيان الحلال والحرام وسماع الموعظة وتفصيل الدرس إلا بالاستماع والاتصال ثم أتبع التنبيه بالدعاء لكل قارئ ولكل سامع وهو أسلوب من أساليب العلماء الذين يهمهم شأن الإسلام والمسلمين ويحبون الخير لمبتغى الخير حيث قال رحمك الله. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il a dit ensuite? Depuis, le cheikh il a commencé à expliquer et à parler en disant, en utilisant la forme impérative du verbe savoir, c'est-à-dire sache. Hein? Et ça, c'est dans quelle intention, dans quel but? C'est dans le but de prendre l'attention des personnes à qui il s'adresse et de leur faire comprendre qu'ils doivent porter bien attention à ce qui va suivre. Et le cheikh il dit que si quelqu'un veut vraiment comprendre et profiter d'un discours ou bien d'une information ou de quelque chose qui va lui être enseigné, eh bien il faut qu'il prenne attention, il faut qu'il porte son attention sur la personne qui parle et sur les choses qui vont être expliquées, et donc il écoute et il essaie de comprendre et de bien comprendre et de bien cerner qu'est-ce qui va être mentionné et qu'est-ce qui va être clarifié comme et expliqué comme règle de l'islam. Qu'est-ce qui va être expliqué également comme les règles au sujet de qu'est-ce qui est halal et de ce qui est haram, et d'écouter l'exhortation et les détails du cours avec beaucoup d'attention. Puis ensuite, après avoir pris l'attention des personnes qui écoutent ou des personnes qui lisent le texte, il commence par la suite en disant un dua, en faisant un dua pour la personne qui écoute, et ça fait partie de la méthode des savants de l'islam. Lorsqu'ils écrivent un livre ou lorsqu'ils s'adressent aux gens, ils font des doigts pour eux. Ils font des doigts pour eux. Et ça, c'est une méthode qui montre que ces personnes-là, ces savants-là, ont beaucoup d'intérêt. Ont beaucoup d'intérêt pour les musulmans et pour la Ummah et pour le bien et pour les gens qui veulent le bien. Hein? Donc, il fait des doigts pour eux en demandant la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Donc, il dit, I'lam, rahimakallah. Cheikh, il dit, rahimakallah, ayyuha al-qari, ayyuha al-sami' al-mustafid, thumma shara'a fil maqsood, wa huwa bayanu anna min al-wajib, ala kulli muslimin wa muslimah, an yata'allamu hadhihi al-masail allati nassa alayha biqawlihi, annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail. Donc le cheikh il a dit, donc après avoir dit ô toi qui lis, ô toi qui écoutes, ô toi qui veux chercher le qu'est-ce qui est bénéfique dans la parole qu'on va mentionner, écoute bien et que Allah te fasse miséricorde. Puis ensuite il explique maintenant les points qui sont obligatoires à chaque musulman et à chaque musulmane de connaître, et il mentionne que c'est quatre choses qu'il va expliquer une après l'autre en détail. Donc il dit أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل أتى بها أولا على سبيل الإجمال أربع ليتطلع القارئ والسامع إلى تفصيل هذه الأربع وما أحوج الناس إلى فهمها وبالأخص طلاب العلم ليعلموها ويعلموها سواهم ليفوزوا بالأجر الوفير. Donc il explique qu'il y a quatre choses que chaque musulman et chaque musulmane, c'est obligatoire pour eux de les apprendre et de les connaître. C'est quoi ces quatre choses? Il va les énumérer une après l'autre, et donc il dit que c'est très important de les apprendre en détail. Au début, il fait juste les mentionner une après l'autre, puis après, il élabore sur chacun de ces différents points. Et tout le monde ont besoin de comprendre ça. Tous les musulmans ont besoin de comprendre ça en général, et les étudiants en sciences islamiques en particulier, pour l'apprendre pour eux-mêmes et pour être capable de l'enseigner aux autres et pour obtenir par la suite la grande récompense pour ça. Donc pour résumer les quatre points, je vais vous les mentionner comme ça rapidement, puis après on va rentrer dans l'explication du cheikh dans ce qu'il dit. Donc il dit اعلم رحمك الله انه يجب علينا تعلم اربع مسائل الاولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة والثانية العمل به والرابعة والثالثة الدعوة إليه والرابعة الصبر على الأذى فيه. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire sache que Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire à tout musulman et à tout musulmane, bien qu'il est obligatoire à chacun d'entre nous, d'apprendre ces quatre points. La première, c'est la science. D'avoir la science, la connaissance. Et c'est quoi cette connaissance? C'est la connaissance ou la science qui est reliée à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, de connaître son prophète, son messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et de connaître sa religion avec les preuves. La deuxième chose, parmi ces quatre choses, c'est d'appliquer cette connaissance par la suite. Une fois que tu l'as appris, maintenant tu dois l'appliquer. La troisième chose, c'est quoi? C'est ad-da'watu ilayhi. C'est-à-dire, c'est pas suffisant que tu l'aies juste appliqué et appris pour toi-même. Il faut aussi que tu invites les autres à cette connaissance. Et quatrièmement, as-sabr 'ala al-adha fihi. C'est-à-dire qu'une fois que tu appelles les gens à cette connaissance et à l'appliquer, sache qu'il va t'arriver des difficultés et que tu vas avoir des épreuves. Alors, il faut faire preuve de patience et d'endurance. Et c'est ça les quatre points que chaque musulman doit apprendre. Hein? Et ça, c'est qu'est-ce qui fait partie en réalité, si on veut comprendre à quoi ça se réfère. Ça se réfère en fait à lutter contre soi-même. Hein? Lutter contre soi-même pour établir sa religion. Et pour lutter vraiment comme il faut contre soi-même, il faut établir ces quatre points-là, et c'est une obligation pour chaque musulman. Donc le cheikh, il explique le premier. Al-Ula al-Ilm. Mas'alatu al-Ilm. Al-Mas'alatu al-Ula al-Ilm. Wal-Ilm al-Muradu bihi al-Ilm al-Shar'i. وهو ما جاء في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبينه العلماء الربانيون من أصحاب العقيدة السلفية والمنهج السليم في كل باب من أبواب العلم. وهذه كلمة مجملة جاء في تفصيلها فيما بعدها جاء تفصيلها فيما بعدها فكأن سائلا سأل ما المراد بالعلم الواجب لأن العلم منه ما هو واجب لا يعذر أحد بجهله ومنه ما هو فرض كفاية ومنه ما هو فرض عين فهذه الأربع المسائل التي الأولى منها العلم واجبة لازمة لكل مسلم ومسلمة. Donc qu'est-ce qu'il explique le cheikh? Il dit que la première d'entre ces quatre choses, c'est la science. Qu'est-ce qu'on veut dire par la science ici? On parle de la science de la charia. On parle de la science de la charia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la connaissance du Coran et de la Sunna. C'est ça la connaissance de la charia. Donc, al-ilm al-shar'i. On parle pas de n'importe quelle science. On parle pas de la science, par exemple, la science naturelle ou la science autre. On parle de la science de la religion en particulier. Et c'est ce qui est mentionné dans le livre d'Allah et dans la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ce qui a été clarifié dans les paroles des ulama rabbaniyoun, quand ils expliquent et clarifient la aqida salafiyya, c'est-à-dire la aqida des salaf al-salih. Et al-salafiyya, c'est dans le sens de, pour désigner les sahaba et les tabi'in, et les tabi'in et ceux qui les suivent. Hein, les tabi'in, c'est-à-dire les élèves des sahaba. Et les tabi'in, c'est les élèves des élèves des sahaba. C'est-à-dire qu'ils se sont transmis l'islam comme ça. Hein. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné l'islam à ses sahaba. Les sahaba, ils l'ont enseigné aux tabi'in, à leurs élèves parmi les tabi'in. Et les tabi'in l'ont enseigné à leurs élèves et ainsi de suite, de génération en génération, jusqu'à notre époque. Ok? Et ça s'est transmis avec l'aide des de la chaîne de transmission, al-isnad, comme on appelle, al-isnad. Comme un des grands savants de l'islam, Abdullah ibn al-Mubarak, je m'excuse donc, Abdullah ibn al-Mubarak, qui est un des grands imams de la religion de l'islam, qui vivait à l'époque, la même époque que l'imam Malik ibn Anas, hein, donc c'est un des imams parmi ceux qu'on appelle les salaf, nos prédécesseurs, nos pieux prédécesseurs. Et l'imam Abdullah ibn al-Mubarak, on l'appelait Amir al-Mu'minin fil hadith. Amir al-Mu'minin fil hadith, le prince des croyants dans la science du hadith, dans la transmission des hadiths. Donc c'était un des grands imams parmi les grands imams des salafs. Et il était considéré comme un des contemporains de l'imam Malik, mais non seulement ça, mais disons qu'il était dans la catégorie, dans le degré des savants de cette catégorie-là, de ce degré de science parmi les imams de l'islam. Même s'il n'a pas un madhab comme le madhab de l'imam Malik qui est propagé dans différents pays du monde aujourd'hui, n'empêche qu'il était quand même du même calibre que l'imam Malik. Parce que il y a beaucoup de savants de l'islam qui ont été dans les niveaux de science comparables à ceux des quatre imams, mais qui n'ont pas voulu que leur madhab soit préservé après eux. Et qui ont même parfois interdit leurs élèves d'écrire leur madhab. Hein? Parce qu'ils ne voulaient pas, pour différentes raisons. Hein? Donc, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas un madhab, un madhab connu à notre époque, qu'ils ne sont pas des grands imams. Hein? Ils sont aussi des grands imams de l'islam. Et qu'est-ce qu'il disait cet imam, Abdullah ibn al-Mubarak? Il disait « Al-Isnad min ad-din » ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. Il disait, et ça c'est mentionné dans l'introduction de Sahih Muslim, le livre de hadith de l'imam Muslim, il disait l'isnad, la chaîne de transmission des hadiths, hein, ça fait partie de la religion. Et si ce n'était pas de cette chaîne de transmission, n'importe qui pourrait dire ce qu'il veut, hein. Donc lorsque les gens parlaient de la religion à l'époque, lorsqu'il a commencé à avoir des fitnes et des problèmes, les gens n'acceptaient plus la parole de n'importe qui. Ils demandaient, cite-nous tes hommes, cite-nous qui t'a rapporté cette parole. Et là, ils devaient mentionner la source et la référence d'où ils ont pris cette parole. Et c'est de là qu'est née la science du hadith. Hein? Donc c'est pour ça, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas prendre nos informations, surtout quand c'est des questions de religion et des questions qui ont rapport avec notre adoration avec Allah subhanahu wa ta'ala, de n'importe qui, hein? Et donc c'est pour ça que cette science-là s'est développée, et beaucoup de musulmans aujourd'hui ignorent les détails de cette science, comment elle fonctionne, mais c'est vraiment une des sciences qui fait que la religion musulmane, elle se distingue sur ce plan-là de toutes les autres religions qui l'ont précédée. Chez les juifs, il n'y a pas d'isnad. Et chez les chrétiens, il n'y a pas d'isnad. L'isnad, c'est un des moyens par lequel Allah subhanahu wa ta'ala a fait que cette religion de l'islam soit préservée et reste dans sa pureté. Et ce n'est pas seulement les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont été rapportés et transmis avec l'isnad. Même les paroles des sahaba ont été transmises avec isnad. Et même les paroles des tabi'in et des tabi'in et ainsi de suite. Donc, toute parole qui était transmise avec l'isnad. Hein? Donc c'est juste pour faire comprendre à ce sujet-là que ça c'est très important par rapport à l'islam. Et c'est pour ça que vous trouvez dans l'islam moins de déformations que dans toute autre religion. Vous ne trouvez pas des déformations comme c'est arrivé dans ces religions-là. Et quand vous regardez dans les hadiths, même s'il y a des hadiths qui sont faibles ou qui ne sont pas authentiques, on est capable de savoir si c'est authentique ou non en étudiant et en analysant l'isnad. hein, et en analysant aussi les textes. Donc, alhamdoulillah, hein, ça c'est quelque chose de très très important. Et donc le cheikh il explique que cette science c'est la science de la religion. Et c'est yani donc de suivre de prendre cette science qui est la science du Coran et de la Sunna et de qu'est-ce que les ulama de l'islam ont clarifié et qu'est-ce qu'ils nous ont transmis. Et selon bien entendu la bonne aqid, selon la aqida des salafs et selon la méthodologie propre qu'ils nous ont ramené dans chaque chapitre et chaque différent domaine de la science. Donc, ça c'est très important. À notre époque, il y a certaines personnes des fois qui, quand on parle de la science, il y a des versets dans le Coran qui montrent l'importance de la science. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surah Az-Zumar, هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Hein? C'est-à-dire, est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas sont égaux? Hein? Donc c'est sûr qu'ils ne sont pas égaux. Hein? Et il y a des versets comme par exemple يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah subhanahu wa ta'ala élève en degré ceux d'entre vous qui ont reçu la foi et qui ont reçu la science et qui ont reçu الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ceux qui ont cru et ceux qui ont reçu la science. Allah les élève en degré. Donc, il y a l'éloge de la science et il y a aussi des hadiths qui parlent de l'importance de la science. Comme par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. » Celui qui prend un chemin par lequel il va apprendre la science, Allah subhanahu wa ta'ala va faire que par ce chemin-là, il va lui faciliter un chemin vers le paradis. Allah va lui faciliter un chemin vers le paradis. Et donc, la science dont il est question dans ces hadiths-là et dans ces versets-là, c'est la science du Coran et de la Sunna. La science de l'islam avant toute chose. Puisque quelqu'un peut avoir de la science dans n'importe quel autre domaine, mais s'il ne connaît pas Allah, s'il ne connaît pas le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, s'il ne connaît pas comment adorer Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il va faire au jugement dernier? Est-ce que son diplôme en n'importe quelle autre science pourra le sauver? Non. Donc, les autres connaissances et les autres sciences, c'est pour ça que le cheikh il dit, il faut comprendre qu'il y a différents degrés de science. Il y a des sciences qui sont obligatoires, puis il y a des sciences qui ne sont pas obligatoires. Hein? Il y a qu'est-ce qui est fard ayn et il y a qu'est-ce qui est fard kifaya. Même dans l'obligatoire, il y a différents degrés d'obligation. Il y a la science qui est fard ayn, dans le sens que c'est obligatoire à chaque individu, et que si quelqu'un ne l'apprend pas, il commet un péché. Hein? Et il y a l'autre science qui est fard ou kifaya, c'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire à chaque individu d'entre les musulmans de l'étudier, mais s'il y a un nombre suffisant de musulmans qui l'apprennent, wa alaykoum salam, donc s'il y a un nombre suffisant de musulmans qui l'étudient, dans ce cas-là, ce n'est plus obligatoire pour les autres. D'accord? Donc, ça c'est très important de le comprendre. Donc, c'est pas tout de la science non plus, même dans la science de la charia, c'est pas tout de la science de la charia qui est obligatoire à chaque musulman de l'apprendre. Parce qu'il y a des sciences de l'islam, c'est recommandé de l'apprendre pour certains. Et obligatoire s'il n'y a personne qui l'ont appris. Donc, pour mettre les choses bien en ordre, pour bien comprendre, c'est que qu'est-ce qui est obligatoire pour chaque musulman d'apprendre, c'est premièrement de connaître les bases de l'islam, les fondements de la foi. Comme par exemple de connaître le tawhid, c'est-à-dire l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que ça signifie? De connaître Allah, de connaître ses noms, de connaître ses attributs, de connaître ses droits. Hein? Et également de connaître le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de connaître les règles de l'islam qui sont obligatoires à chaque musulman de connaître, comme par exemple comment faire la salat. Ça c'est obligatoire à chaque musulman, quelqu'un ne peut pas ignorer ça. Comment faire le wudu, ça c'est obligatoire à chaque musulman de le connaître. Et comment faire le rusul, ça c'est obligatoire à chaque musulman aussi de le connaître. Comment, par exemple, faire son jeûne, les règles du jeûne, lorsque le jeûne arrive, quelqu'un doit l'apprendre. Et chaque musulman, c'est obligatoire pour lui de l'apprendre. Hein? Donc ça, c'est des choses qui sont fardu ayn et c'est obligatoire à chacun de l'apprendre. Lorsque vient le temps de la zakat et que tu fais partie des gens qui, pour qui la zakat est obligatoire, eh bien c'est obligatoire pour toi d'étudier et d'apprendre les règles de la zakat. Hein? Si tu fais pas partie de ceux pour qui c'est obligatoire, dans ce cas-là, c'est pas obligatoire pour toi de l'apprendre, mais c'est recommandé quand même. Hein? Ou bien, par exemple, le hajj, les règles du hajj. C'est pas obligatoire à chaque musulman nécessairement d'apprendre le hajj, comment le faire. Mais lorsque tu as l'intention de le faire et que tu as tu as tout ce qui est nécessaire pour que ce soit obligatoire pour toi, par exemple, tu as les moyens économiques et tu as la force, la capacité physique pour le faire, dans ce cas-là, ça devient obligatoire pour toi d'étudier les règles du hajj pour aller le faire. Hein? Et ainsi de suite. Si quelqu'un il est un commerçant, eh bien, il doit étudier, hein, ça devient obligatoire pour lui d'étudier les règles du commerce islamique, pour être capable de savoir qu'est-ce qui est halal et qu'est-ce qui est haram dans les règles de commerce, pour pas qu'il tombe dans ce qui est haram dans les transactions qu'il va faire. Et ainsi de suite, hein. Tandis qu'il y a d'autres sciences, c'est pas obligatoire à chaque musulman de les apprendre. Par exemple, ilm al-fara'id, les règles de l'héritage. C'est pas obligatoire à chaque musulman d'apprendre les règles de l'héritage. C'est suffisant qu'il y ait certains savants de l'islam, certains musulmans ou des toulab ilm qui les apprennent pour répondre aux questions des autres lorsque les autres ont des questions sur ces sujets-là, mais c'est pas obligatoire à chaque musulman de l'étudier, de l'apprendre. Et ainsi de suite pour d'autres règles, comme par exemple les règles du divorce ou les autres règles comme ça de la charia, c'est pas obligatoire à chacun de les connaître, mais au moins qu'il y ait un nombre suffisant de musulmans qui les connaissent pour être capables de régler et de répondre aux questions lorsque des problèmes se présentent. En d'autres mots, ce n'est pas obligatoire à tout le monde de devenir un savant de l'islam. C'est ça que ça signifie. Mais c'est obligatoire à chaque musulman de connaître ce qui est nécessaire pour être capable d'établir sa religion. Hein? Et donc, ça c'est à ce sujet-là. Donc le cheikh, il dit « Wahadi al-kalima mujmala ». Donc ça c'est al-ilm, quand on dit al-ilm, c'est une parole générale, mais bien entendu, il y a des clarifications et des détails qui vont suivre à ce sujet-là. Et la façon dont le cheikh, il répond à la question lorsqu'il explique qu'est-ce que c'est la science, c'est comme si on lui avait posé la question « Quelle est la science qui est obligatoire ?»« Quelle est la connaissance qui est obligatoire ?» Parce qu'il dit que, comme on l'a expliqué, il y a une science qui est obligatoire, personne n'est excusé de l'ignorer, personne n'a d'excuse d'ignorer ces choses-là, hein? Et il y a d'autres connaissances qui sont fardu kifaya, comme on l'a expliqué. Et donc, parmi les choses qui font partie de farda, de qu'est-ce qui est farda ayn, c'est les quatre points qu'on va clarifier et qu'on va expliquer dans ce livre, c'est des choses qui sont obligatoires à chacun, peu importe son niveau. Peu importe sa classe sociale, peu importe sa couleur, peu importe son sexe, que ce soit un homme ou une femme, c'est obligatoire à chaque musulman d'apprendre ça. D'accord? Le cheikh, il dit ensuite, « Wa huwa ma'rifatullah », c'est-à-dire c'est de connaître Allah. Premièrement, c'est la première science, la plus importante de toutes les sciences. Il dit, « Fassara al-ilm bi-annahu ma'rifatullah, bi-annahu ma'rifatullah ». أي أنه يجب على المسلم والمسلمة أن يعرف كل واحد ربه بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأن يعرف العبد بأن الله تبارك وتعالى هو خالقه ورازقه والمتصرف في أمره بل وفي الكون كله وهو المستحق لأن يعبد وحده دون سواه وكل عبادة صرفت لغيره فهي عبادة باطلة وصاحبها مشرك بالله. Donc le cheikh il commence en disant que la connaissance d'Allah, donc il a expliqué le cheikh la science comme étant premièrement la connaissance d'Allah, c'est-à-dire que chaque musulman et que chaque musulmane, hein, chacun d'entre eux doit connaître son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, qui il est. Il doit le connaître, qui il est lui, par ses noms. Il doit connaître qui Allah est par ses noms, par ses attributs et par ses actions. C'est-à-dire tel que Allah s'est décrit dans le Coran et dans la Sunna. C'est comme ça qu'on doit, tel que Allah subhanahu wa ta'ala s'est décrit lui-même dans le Coran et tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a décrit Allah subhanahu wa ta'ala dans la sunna. C'est ça que ça signifie, de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa kamithlihi shay'un, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit à propos de lui-même, que rien ne lui ressemble, il n'y a rien de comparable à lui, et rien ne lui ressemble, et c'est lui l'audient et le voyant. Comme c'est expliqué dans le verset 11 dans Surah Shura. Donc rien ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas rien qui lui est comparable ou égal, et il est l'audient et le voyant. Donc il faut que le serviteur connaisse Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit savoir que c'est son créateur. Il doit savoir que c'est celui qui lui donne sa subsistance. Il doit savoir que c'est lui qui gère toutes les choses qui se produisent dans cet univers, et que c'est lui le maître de tout. Que c'est lui le seul qui mérite d'être adoré, et que tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ne mérite pas qu'on lui offre une forme quelconque d'adoration. Et que si quelqu'un offrait une forme quelconque d'adoration à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, cette adoration-là serait considérée comme étant nulle et vaine, et en même temps, celui qui l'aurait accompli, eh bien, il serait considéré comme étant un mushrik. Hein? Il serait considéré comme étant un mushrik, c'est-à-dire quelqu'un qui a associé avec Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration. Donc, c'est quoi le mushrik? Le mushrik, c'est celui qui a commis le shirk. Et c'est quoi le shirk? C'est celui qui a associé avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Il a adoré autre que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire il a fait un acte d'adoration pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien il a adoré d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire il adore Allah, mais en même temps il adore d'autres que lui aussi en même temps. Et dans les deux cas, c'est du shirk. Hein? Et ça, c'est le plus grand péché de tous. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, « Inna allaha la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. » Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on commette le shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché, moindre que le shirk, à qui il veut. Donc c'est le seul péché qui est impardonnable, c'est le shirk, billah. Tous les autres péchés, si quelqu'un l'a commis, par exemple quelqu'un a tué, quelqu'un a volé, quelqu'un a mangé du porc, ou fait le zina, ou d'autres péchés comme ça, ça c'est des péchés graves, mais ce sont des péchés qui sont insignifiants par rapport au shirk. Le plus grave de tous les péchés, c'est le shirk, billah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le seul que Allah ne va pas pardonner à personne. Donc ça veut dire que si un musulman, il n'a rien associé avec Allah dans l'adoration, hein, et qu'il meurt, mais qu'il a commis des grands péchés, hein, eh bien si il meurt dans cet état-là, il est considéré sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que au jour de la résurrection, Allah peut choisir de lui faire miséricorde et de lui faire rentrer directement au paradis, ou bien il peut choisir de le punir et de le faire entrer en enfer pour un certain temps. Mais tant qu'il a une atome de foi dans son cœur et qu'il n'a rien associé avec Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas rester éternellement dans l'enfer. Il va rester le temps que seul Allah connaît, puis il va sortir, puis il va rentrer au paradis pour y demeurer pour l'éternité. Ça, c'est la aqidah de Ahl Sunnah wal Jama'a à ce sujet-là. Et qui est supporté par les versets de Coran, et par les hadiths, et par les paroles des sahabes et des imams de l'islam à travers les époques. Et ça, c'est un point très très important dans notre aqidah, parce qu'il y a des gens qui ont dévié sur cette question-là, et qui sont tombés dans des extrêmes, comme par exemple la secte des Khawarij et des Mu'tazila qui ont dévié sur cette question-là. On va y revenir plus tard dans des cours plus tard, on va y revenir à ce sujet-là pour expliquer les déviations sur ce point. Mais c'est juste pour savoir que celui qui a commis le shirk, c'est le plus grave des péchés et la plus grande des injustices. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna shirka la zulmun azim » Le shirk est certes la plus grande des injustices. Il n'y a pas d'injustice plus grande que le shirk. Hein? Parce que le plus important de tous les droits à respecter, c'est le droit d'Allah. Et ce droit-là, c'est quoi? C'est qu'il soit adoré lui seul et qu'on n'associe rien avec lui. Donc si quelqu'un a manqué à ce droit-là, qui est le plus grand de tous les droits, le plus important de tous, donc il a commis la plus grande injustice. C'est-à-dire, il a commis l'injustice la plus importante, la plus grave de toutes. Hein? Donc aujourd'hui, les gens ont tendance à dénigrer l'importance du shirk et à donner moins d'importance au shirk. Et juste pour vous donner des exemples de ça, c'est qu'un jour, je mentionnais à un frère, et je discutais avec lui, je lui parlais de qu'est-ce qui se passait dans certains pays musulmans comme shirk, du fait que des gens adoraient des morts, adoraient des saints, adoraient des tombes. Eh bien, il m'a dit, parce qu'il y a des, qu'est-ce qu'ils appellent les mawasim. Quand, par exemple, il y a un homme pieux qui a été enterré, ils ont construit, par exemple, une mosquée sur sa tombe, ou bien un mausolée sur sa tombe, ou des choses comme ça, ou une zawiya. Les gens, à chaque fois que c'est son anniversaire, ils viennent faire une fête autour de cet endroit-là. Et autour de cet endroit, ils vont mettre, par exemple, des festivités, des jeux, des animations, de la musique, hein, toutes sortes de choses haram autour de ça. Donc, en même temps aussi, ils en profitent pour faire des péchés comme de la prostitution et d'autres choses. Hein. Bon, salam alaikum. Donc, le frère, je lui dis, il y a des gens qui se réunissent dans ces endroits-là pour faire du shirk et pour adorer les morts. Il m'a répondu, il m'a dit, il y a pire que ça encore. J'ai dit, quoi? Il m'a dit, ils font le zina. J'ai dit, si tu savais la gravité du shirk, t'aurais pas dit ça. Parce que le zina, c'est pas pire que le shirk. Le shirk, c'est pire que le zina. Hein? Tu peux pas comparer ces deux péchés-là. Le plus grave de tous les péchés, c'est le shirk. Mais on est arrivé à un point maintenant que on n'a tellement pas bien compris notre aqida, notre croyance islamique, qu'on entend parler du shirk et c'était comme si rien n'était. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'on n'est pas en train de faire du mal à personne. Hein? On n'a pas battu quelqu'un, on n'a pas volé quelqu'un, on n'a pas brimé un être humain dans ses droits directement. Donc on se dit, ah, c'est pas grave alors dans ce cas-là, on n'a pas commis quelque chose d'un grand péché. Alors que c'est le plus grand de tous les péchés, c'est celui-là, c'est celui que tu fais envers ton créateur. C'est pas nécessairement celui que tu vas faire envers les créatures, puisque ce péché-là peut être pardonné par Allah, tandis que le shirk, non. Hein? Donc ça, c'est, on va y revenir là-dessus, inshallah, puis clarifier ça au fur et à mesure. C'est pour ça que c'est important de bien connaître le tawhid, de bien connaître le tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit par exemple dans le Coran, فَإِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ. C'est-à-dire, celui qui fait le shirk avec Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui rend haram le paradis. فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ. Et sa destination sera l'enfer. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ. Et les injustes n'auront pas de secoureurs ou de personnes pour leur venir en aide. Donc, le plus grave de tous les péchés, c'est le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est bien de voir des gens, par exemple, tu les vois en train de, comme par exemple, tu vois des gens qui sont chrétiens, qui sont juifs, qui sont athées dans la rue, et tu les appelles à dire arrête de boire de l'alcool, hein, arrête de faire le zina, ou arrête de voler, ou sois juste, sois honnête, ou sois pas impoli, hein, un bon comportement. Ça, c'est des bonnes choses, mais c'est pas ça le plus important qu'il faut lui enseigner en premier. Il faut commencer toujours par ce que les messagers d'Allah ont commencé par expliquer, et c'est-à-dire le tawhid. Tous les messagers qui sont allés à un peuple, la première chose qu'ils leur ont enseigné, c'était toujours « La ilaha illallah ». C'est-à-dire, rien ne mérite d'être adoré, excepté Allah. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pendant 13 ans à la Mecque, il s'est concentré sur une seule chose, d'expliquer aux gens et de faire comprendre aux gens qu'est-ce que ça signifie « La ilaha illallah ». C'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et que les idoles ne méritent pas d'être adorées, qu'ils doivent rejeter ça. Et c'est à cause de ça qu'ils l'ont combattu, et qu'ils lui ont fait la guerre, et qu'ils l'ont détesté, et qu'ils ont voulu le tuer à maintes reprises. Hein? Donc, aujourd'hui, tu entends des gens qui parlent de l'islam, qui parlent du Coran, qui parlent de la sunna, qui parlent de plein de choses, mais qui disent jamais un mot sur le tawhid. Hein? Qui dit jamais un mot sur l'explication de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah. Qui dit jamais un mot sur qu'est-ce que c'est le shirk. Hein? Et c'est pas possible de connaître le tawhid si tu sais pas qu'est-ce que c'est le shirk. Hein? Puisque le shirk, c'est le contraire du tawhid, et le tawhid, c'est le contraire du shirk. Donc si tu veux connaître un, tu dois connaître l'autre. sinon tu risques de tomber dans le shirk facilement. Hein? Donc ça c'est des exemples. Et le cheikh il dit donc wa an yu'mina bi anna lahu al-asma' al-husna wa sifat al-ula التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقد أمرنا الله عز وجل أن تكون لنا الأسماء أن تكون لنا الأسماء والصفات وسيلة في دعائنا وتضرعنا إليه فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون فمن عرف الله عز وجل حق المعرفة وآمن به وقدره حق قدره فأقام فرائضه وأدى الواجبات وامتثل المأمور واجتنب المنهي وأحل الحلال معتقدا حله وحرم الحرام معتقدا تحريمه وهو في كل ذلك يرجو رحمة ربه ويخشى عقوبته طيلة حياته فهو المؤمن حقا له من ربه مغفرة وأجر عظيم له من ربه مغفرة وأجر عظيم. Donc le cheikh il dit que donc le croyant il doit croire que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui a les plus beaux noms et qu'il a les plus grandes et les plus élevées d'entre toutes les attributs. Et ce sont les attributs qui sont mentionnés dans le livre d'Allah et dans la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et on doit croire en Allah tel qu'il s'est décrit lui-même. Il ne faut pas essayer d'imaginer Allah subhanahu wa ta'ala avec notre esprit, hein, parce qu'on n'est pas capable de l'imaginer. On n'est pas capable puisque personne ne l'a jamais vu. On se limite uniquement à ce qu'il a dit à propos de lui-même dans sa révélation et on affirme ce qu'il a affirmé pour lui-même. Mais on n'essaie pas de l'imaginer avec notre esprit et on ne nie pas non plus la réalité de ces attributs-là. On ne va pas nier la réalité de ces attributs-là. On croit en Allah tel qu'il s'est décrit. Pourquoi je mentionne ça? Parce qu'il y a des gens parmi des différentes sectes ou différents groupes de bid'a qui ont dévié sur la question des noms et des attributs d'Allah. Ils se sont imaginés Allah subhanahu wa ta'ala avec leur esprit et ils ont essayé de faire des ressemblances entre le Créateur et la créature dans leur esprit. Et quand ils ont fait ça, ils ont compris que c'était une erreur, que c'était grave, que c'est haram de faire ça. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Laysa kamithlihi shay » Il n'y a rien comme lui, il n'y a rien qui lui ressemble. Alors, ils se sont dit, il faut dans ce cas-là nier les attributs d'Allah pour éviter de faire des ressemblances. Hein? Et ils sont tombés dans une autre erreur, encore plus grave. C'est-à-dire de ne pas affirmer ce que Allah a dit à propos de lui-même. Donc, tout attribut qu'il trouve dans le Coran et dans la Sunna, il la rejette ou il la déforme. Quand Allah dit qu'il a une main, ou quand Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a des yeux, ou quand Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il est au-dessus de son trône, eux, ils déforment la réalité de ces choses-là. Et ils refusent de l'affirmer. Parce qu'ils s'imaginent qu'il y a des ressemblances entre Allah et sa création si on affirme ces choses-là. Et nous, on doit expliquer, clarifier à ces gens-là, en fait, qu'il n'y a pas de ressemblance. Et que la ressemblance qu'il imagine, elle est uniquement dans sa tête. Mais dans la réalité, il n'y a pas de ressemblance entre les deux. Et donc, il faut affirmer ce qu'Allah a dit. Si Allah a dit qu'il a une main, il faut dire qu'il a une main. Hein? Et quand il a dit qu'il a créé Adam avec ses deux mains, comme Allah subhanahu wa ta'ala il le dit dans le Coran, bal yahdahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha. Il a dit à Iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday. Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé avec mes deux mains? Donc tu dois croire en ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Est-ce que Allah a menti? Non. Hein? Et eux ils pensent que parfois ils disent par exemple, non, il ne faut pas dire ça parce que ça implique une ressemblance entre le Créateur et la créature. Tu dis non. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait mieux que toi et que moi et que nous tous comment se décrire lui-même. Hein? Et s'il a dit qu'il a une main, c'est une main qui convient à sa majesté et à sa grandeur. Hein? Et elle n'est pas comparable aux mains des créatures. Donc c'est pour ça que tu ne dois pas essayer de les imaginer. Hein? Donc tu crois en Allah, en ses noms et en ses attributs, tel qu'il s'est décrit lui-même. Hein? Tu voulais dire quelque chose? Eh non. Barakallahu fik. Donc comme le frère il mentionne l'exemple, quand Moussa alayhi salam avait mentionné pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de le voir, il a dit tu peux pas me voir. Mais regarde la montagne. Si elle reste en place, hein, eh bien là tu vas me voir. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala s'est manifesté à cette montagne s'est pulvérisée. Et Moussa alayhi salam est tombé, hein, est tombé foudroyé. Donc ça veut dire on peut pas supporter de voir Allah subhanahu wa ta'ala dans cette vie. Même si au jour de la résurrection, et dans le paradis, Allah va donner la capacité et la force aux croyants d'être capables de le voir, mais pas dans cette dunya. Hein? Donc, le cheikh, il explique que il faut croire donc à Allah tel qu'il s'est décrit dans son livre et tel que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit dans la sunna. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné d'utiliser ses noms et ses attributs comme des moyens dans nos du'as, hein, pour se... Salam alaikum. Et non, pour se s'humilier et se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala en utilisant ces noms-là comme des moyens dans nos du'as. Pour demander des choses à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 180 dans Surat Al-A'raf, c'est à Allah qu'appartient les plus beaux noms. Alors invoquez-le par ses noms. Et laissez ceux qui dénaturent le sens de ces noms, ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait comme œuvre. Hein? C'est-à-dire ceux qui essaient de changer le sens des noms d'Allah ou déformer le sens d'Allah ou de dénaturer leur sens, laissez-les. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala va les rétribuer pour qu'est-ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce que ça veut dire invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms? Ça veut dire que si tu lui demandes quelque chose, tu lui demandes par le nom qui correspond, hein, à ce que tu lui demandes. Comme par exemple, si tu veux, par exemple, le pardon d'Allah, tu dis, Allahumma ya ghafir adh-dhunub ighfirli. Hein? Ô toi qui pardonnes les péchés, pardonne-moi. Hein? Ya Rahman ya Rahim irhamni. Ô toi le miséricordieux, ô toi le tout miséricordieux, ô toi le très miséricordieux, fais-moi miséricorde. Et ainsi de suite. Hein? Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala par le nom qui correspond. Donc, le fait de mentionner les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a 99 noms. Hein? Celui qui les mentionne, qui les récite, يعني من أحصاها دخل الجنة, il va rentrer au paradis. Ça ne veut pas juste dire de juste mentionner ces noms-là et de les apprendre par cœur et de les réciter, mais ça veut dire, comme on a dit, de les mentionner, de les utiliser dans nos du'as, quand on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de demander selon qu'est-ce que ces noms-là impliquent et qu'est-ce qu'ils signifient, et c'est d'agir également selon qu'est-ce qui est impliqué par ces noms-là aussi. Comme par exemple, tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala, il est As-Sami', eh bien, tu sais qu'il entend qu'est-ce qui est dans ton... Tu sais qu'il entend tout, même qu'est-ce que tu dis pas à haute voix, qu'est-ce que tu dis dans ton cœur, il l'entend, il le sait aussi. Donc, tu agis en conséquence. Hein? Tu essaies d'avoir des bonnes pensées, tu essaies d'avoir des bonnes paroles. Hein? Tu dis pas n'importe quoi, tu mens pas. Tu sais qu'il entend qu'est-ce que tu dis. Il est Al-Basir. Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui voit tout. Même si tu es devant les gens, même si tu es tout seul, même si tu es dans le noir, même si tu es au fin fond d'une grotte, au fin fond de la terre, il te voit. Il voit même la fourmi dans une nuit noire, sur une pierre noire, hein, il sait qu'est-ce qu'elle fait et il l'entend. Alors que nous, on ne sait même pas si elle existe. C'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il te voit. Si tu crois réellement en ce nom d'Allah qu'il est Al-Basir, tu dois agir en conséquence et essayer de le craindre et de savoir, dans le sens que tu sais qu'il te voit, donc d'essayer toujours d'être correct et d'être droit et d'agir de cette manière que Allah subhanahu wa ta'ala t'ordonne d'agir, même la même chose que lorsque tu sais qu'il y a des gens qui t'observent. Hein? Tu sais que, par exemple, il y a des gens autour de toi, tu fais attention. Quand tu es tout seul, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas faire comme s'il n'y a personne qui te voit et que tu oublies Allah, tu oublies qu'il est Al-Basir. Alors ça montre que tu as cru en Al-Basir si tu agis avec Allah subhanahu wa ta'ala en prenant conscience qu'il a ce nom-là et il a cet attribut-là de Al-Basar. It's time. Tayyib inshallah. So I'm just gonna finish this part and you can start the adhan right away. So, donc, le sheikh dit celui qui a connu Allah subhanahu wa ta'ala et qui le connaît comme il faut et qui a cru en lui et qui a, estimé Allah subhanahu wa ta'ala comme il mérite d'être estimé et qui a respecté Allah subhanahu wa ta'ala comme il mérite d'être respecté et qui a établi les obligations qui sont obligatoire pour lui et qui s'est écarté des choses que Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de s'écarter. Il a respecté ce qui est halal en croyant que c'était halal et il l'a pris parce que il a pris ce qui est halal comme étant halal en croyant que c'est halal et il s'est écarté de ce qui est haram en croyant que c'est haram, hein, et qu'il fait tout ça avec l'espoir de la miséricorde de son Seigneur et en craignant son châtiment durant toute sa vie, c'est lui qui est le vrai croyant. Et c'est lui qui aura de son Seigneur un pardon et une grande récompense. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, puis on continuera, pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine je pars, je vais être en France, je vais partir pour 2 semaines. Donc ce ne sera pas cette semaine, ce ne sera pas la semaine d'après, ce sera le 20 avril, inshallah. D'accord? Donc, subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran, et à la prochaine, inshallah.